إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 24 dans l'explication de Al-Wala wal-Bara, Haqiqatul Wala'i wal-Bara, c'est le kitab et wa-Sunnah, qui est un livre écrit par le chef Isam ibn al-Doktor Isam ibn Abdullah al-Sinani, et qui a été relu et préfacé par Ma'ali al-Sheikh al-Doktor Salih ibn Fawzan al-Fawzan, عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. Donc on est arrivé aujourd'hui à la page 173 dans ce livre. C'est toujours l'explication au sujet des preuves qui ont été ramenées par rapport à la permissibilité de prendre l'aide des kuffars contre des kuffars ou contre des ennemis musulmans qui transgressent contre nous. Et on a mentionné déjà dans ce point-là les preuves de ceux qui mentionnent que c'est interdit. Donc on est toujours dans le point numéro 7, hein, parmi les différents points qu'on a mentionnés, qui sont les shubuhat, des gens de takfir qui mentionnent parfois des paroles ou des choses qui ont rapport avec Al-Wala ou Al-Bara pour essayer de faire le takfir des dirigeants et le takfir des gouvernements musulmans, puis qui ramènent la question de Al-Wala ou Al-Bara, puis qui vont mentionner par exemple le fait de prendre l'aide des kuffars par exemple, comme c'est arrivé dans certains pays musulmans à notre époque, et comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans le passé à travers l'histoire de l'islam. Donc, Yanni, c'est de savoir que cette question-là, Yanni, quel est son lien avec Al-Wala ou Al-Bara, et est-ce qu'on a le droit de faire un takfir par rapport à cette question-là? On en a parlé déjà. Et là, on a mentionné les preuves que les savants ont mentionnées pour montrer que c'est permis. On est rendu maintenant à la preuve numéro 7 par rapport à ce sujet-là. Et le cheikh, qu'est-ce qu'il ramène maintenant? Parmi les preuves, il dit استعانه النبي صلى الله عليه وسلم بيهود المدينه المعاهدين على الحربيين من مشركي العرب وذلك في ثلاثه مواقف. Donc le cheikh il mentionne parmi les preuves qu'on a le droit de prendre l'aide des kuffars, c'est le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a pris l'aide des juifs de Médine qui avaient une entente de paix avec lui contre ceux qui étaient en guerre contre lui parmi les mouchriquines arabes. Et donc, il s'est aidé des juifs. Et ça, c'est dans trois moments, ou dans trois périodes, ou dans trois occasions, plutôt. Dans trois occasions. Et là, il mentionne ces trois occasions-là. Donc, al-mawtin al-awwal, al-mawtin al-thani, al-mawtin al-thalith. Donc il mentionne les trois, et il mentionne les références et les explications des ulama au sujet de ces trois événements-là ou ces trois circonstances-là. Donc on va lire ça aujourd'hui ensemble, inshallah. Donc le cheikh il commence al-mawtin al-awwal, donc la première circonstance, muwada'atuhu yahud al-madina ala an alayhim an-nusra wan-nafaqa idha harab wa an lahum an-nasr wal-uswa ghayr mazlumin. وذكر ابن إسحاق في سيرة ابن هشام وابن شهاب الزهري كما رواه عنه أبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عنه، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية تحت فصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب بينهم والمؤاخاة التي أمرهم بها وتوحدهم عليها وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادن اليهود ووادعهم، فكان مما ذكراه مرسلا واللفظ لابن إسحاق. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار ووضع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، فإنهم أمة واحدة من دون الناس، إلى أن قال: وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإنه لهم نصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، إلى أن قال: وإن اليهود ينفقون مع المسلمين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوطغ إلا نفسه وأهل بيته. يعني يوطغ الوطغ التحريق والهلاك، وطغ يوطغ ووطغا فسد وهلك وأثم، إلى أن قال: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المسلمين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. زاد ابن شهاب: وأنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه، وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب الدين. انتهى كلامه. Donc la première occasion, la première circonstance, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une alliance avec les juifs de Médine, et il a dit qu'il devait venir en aide et à la défense des musulmans et dépenser pour également les musulmans, et de même que les musulmans doivent venir à la défense des juifs s'ils sont attaqués, et doivent les défendre et agir bien avec eux sans faire d'injustice, sans qu'on leur cause de l'injustice. C'est rapporté par, ou c'est mentionné par Ibn Ishaq dans Sirat Ibn Hisham, c'est rapporté également par Ibn Shihab al-Zuhri, comme c'est rapporté de sa part, d'après Ibn Abu Ubaid dans son livre Al-Amwal, à la page 215, avec une isnad qui est authentique de sa part. Et c'est rapporté également par l'imam Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le volume 4 à la page 555, sous le chapitre où il dit, où il parle du contrat ou de l'entente ou du pacte qui a été fait du rapprochement ou de l'amour qu'il y avait entre les Muhajirin et les Ansar, et du contrat qui a été établi à ce sujet-là et qu'il a écrit entre eux, et le fait qu'il les a rendus comme des frères, il a établi une fraternité entre eux qui les unit, et également l'alliance qu'il a fait avec les Juifs, hein, l'accord qu'il a fait avec les Juifs lorsqu'ils étaient à Médine. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Médine, il a fait une entente de paix avec les Juifs. Et parmi les choses qu'il avait mentionnées dans cette entente-là, on a qu'est-ce qui est rapporté selon Ibn Ishaq. Et c'est de son qu'est-ce qui a été rapporté de ses paroles par l'imam Ibn Ishaq dans son livre. Il dit: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a écrit donc un pacte ou une entente avec les muhajirin et les ansar, hein? Et il a fait une alliance également avec les juifs, et il a signé une entente de paix avec eux, et il les a laissés sur leur religion et avec leurs biens. Et il a établi des conditions, hein, il a établi des conditions avec eux, il a établi des conditions avec eux, et des conditions que eux doivent respecter envers les musulmans et que les musulmans doivent respecter envers eux. Donc c'était des conditions dans les deux sens. Et qu'est-ce qu'il avait écrit dans ce contrat-là ou dans ce pacte? Il disait: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce contrat du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, entre les croyants et les musulmans de Quraysh et de Yathrib. Yathrib, c'est la ville de Médine. Et c'est-à-dire les musulmans de Quraysh, c'est les Muhajirin, et les musulmans de Yathrib, c'est les musulmans de Al-Madina. Et ceux qui les suivent, et qui se rassemblent à eux, ou qui s'allient, ou qui s'ajoutent à eux, et qui luttent avec eux, alors ils sont une seule umma en dehors du reste des gens. Puis il dit par la suite plus loin: et les croyants sont alliés les uns des autres, en dehors des autres, en dehors des gens. Et ceux qui les suivent, et ceux qui nous suivent parmi les Juifs, c'est-à-dire qui nous suivent dans ce contrat parmi les Juifs, on doit les défendre, et ils doivent avoir de notre part le bon exemple sans qu'on leur fasse de l'injustice, hein, et sans qu'on aide quiconque contre eux, jusqu'à ce qu'ils disent par la suite: et les Juifs doivent dépenser de ce qu'ils ont comme bien avec les musulmans tant que nous sommes attaqués ou tant que nous sommes en guerre. Et les Juifs de Bani Auf, ils forment donc une nation avec avec les croyants. Sauf que les Juifs ont leur religion et les musulmans ont leur religion. Hein? Et eux-mêmes ainsi que leurs esclaves, excepté ceux d'entre eux qui font de l'injustice ou qui commettent un péché. Et il dit ensuite: wala yutaru illa nafsuhu wa ahla baytihi. Et celui parmi eux qui fait du tort ou de l'injustice ou un péché, eh bien, ce sera uniquement contre lui et sa famille. C'est-à-dire, c'est celui qui a fait du tort qui sera puni et qui va périr. Jusqu'à ce qu'ils disent par la suite: et les Juifs ont droit à les Juifs ont droit à leur nafaqa, hein, et les musulmans aussi. Les Juifs ont droit à ce qu'on leur donne, ce qu'ils ont besoin pour subsistance, et de même que les musulmans aussi. Et entre eux, ils doivent se porter secours lorsqu'ils ont besoin, et ils doivent venir en aide à tous ceux qui sont compris dans ce contrat, dans cette entente, dans ce pacte. Et ils doivent se donner des conseils sincères et s'aider et faire preuve de sincérité et de bonté les uns envers les autres et non pas dans le péché. Et après il dit وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثَمْ إِمْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ وَإِنَّ النَّصْرِ لِلْمَظْلُومِ. Donc un individu ne doit pas faire de péché envers un autre parmi son allié, parmi ceux qui sont ses alliés, et on doit venir en aide et au secours de celui qui est opprimé, celui qui s'est fait faire une injustice. Et donc les juifs doivent dépenser également avec les musulmans tant qu'ils sont attaqués et tant qu'on est en guerre contre eux, tant qu'on a fait la guerre contre les musulmans, ils doivent également dépenser de leurs biens. Et Yathrib, c'est-à-dire les musulmans de Médine, et la ville elle-même, elle est sacrée de ce qu'il y a à l'intérieur, ainsi que ses habitants, et ainsi que ses habitants pour ceux qui sont dans le contrat. Pour ceux qui sont dans le contrat, ils n'ont pas le droit de faire du tort ou de s'attaquer aux musulmans qui sont à l'intérieur et à la ville elle-même. Et Ibn Shihab, il a ajouté, ils ont appelé les juifs, les musulmans ont appelé les juifs à une entente et à une alliance, et ils faisaient des alliances avec eux, et ils les appelaient à respecter les conditions qui s'appliquaient aux musulmans, et qu'ils ne devaient pas combattre la religion, ils ne devaient pas combattre l'islam. Donc ça c'est un exemple de ce qui est rapporté par les ulama dans les livres au sujet de ces ententes-là. Et donc ça c'est la fin de la première exemple ou de la première citation. Et au sujet de ces narrations-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne dans le volume 2, à la page 128 de As-Sarim al-Maslul, de son livre As-Sarim al-Maslul, il mentionne que les rapports qui ont été mentionnés par les ulama au sujet des ententes qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs, c'est des rapports ou des narrations qui ont le degré de tawatur, c'est-à-dire qu'ils sont rapportés par un très très très grand nombre de ulama. Et donc ça fait partie des choses qui sont authentiques, hein, et elles sont connues entre les hommes de science, et elles n'échappent pas, ce genre d'informations-là n'échappent pas aux hommes de science. Donc ça c'est un point important aussi à ce sujet-là. Donc la question à ce sujet-là, c'est quelque chose qui rentre dans qu'est-ce qui est mutawatir. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam dans son livre à la Mu'al, à la page 219. Il dit « قوله إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين فهذه النفقة في الحرب خاصة شرط عليهم المعاونة له على عدوه ونرى أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم حتى قال وقوله وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين يعني إنما أراد نصرهم المؤمنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها عليهم وأما الدين فليس منه في شيء ألا تراه قد بين ذلك فقال لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم حتى قال وإنما كان هذا الكتاب كما نرى حدثان أو حديثان مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب. فكانوا ثلاث فرق: بنو القينقاع والنضير وقريظة. فأول فرقة غدرت ونقضت الموادعة بنو القينقاع، وكانوا حلفاء عبد الله ابن أبي. فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة، ثم بنو النضير، ثم قريظة. فكان إجلاؤه أولئك وقتله هؤلاء ما قد ذكرناه في كتابنا هذا. انتهى كلامه. وساسي لفعل القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام عند grands imams parmi les imams des salaf الصالح. Il dit, en expliquant les paroles qu'on a lues par rapport au contrat, il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le contrat que les juifs doivent dépenser avec les croyants tant qu'ils sont en guerre ou tant qu'ils sont attaqués, l'imam al-Qasim ibn Sallam, il dit ça c'est une dépense qui est spécifique à la guerre. Et c'est une condition qui a été mise sur eux, c'est-à-dire qu'ils doivent et collaborer et coopérer contre l'ennemi. Et on voit que les Juifs sont donnés une part dans le butin uniquement s'ils font partie de la bataille avec les musulmans. Et ça, c'est une condition parmi les conditions qui ont été mentionnées, parmi les conditions qui ont été posées sur eux. Vis-à-vis de cette défense qu'ils font. Et sinon, si ce n'était pas le cas, dans ce cas-là, ils n'auraient aucune part dans le butin des musulmans. Jusqu'à ce qu'ils disent plus loin par la suite, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs de Bani Auf font une nation avec les croyants, il explique cette parole-là en disant que cela signifie uniquement de leur part qu'ils doivent venir en aide aux croyants et qu'on doit également s'entraider avec eux contre leur ennemi et de donner dépenser de l'argent pour justement cette cause-là pour laquelle on a établi ces conditions-là avec sur eux et avec eux. En ce qui concerne la religion, eh bien, ils n'ont aucune part dans la religion. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ce sont les kuffars, ce sont les juifs. Ne vois-tu pas que par la suite, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cela en disant les juifs ont leur religion et les croyants ont leur religion. Donc, c'est pour distinguer et pour dire que cette alliance, c'est une alliance purement militaire, mais c'est pas une alliance dans la religion, c'est pas une alliance dans la foi. Puisque ce sont quand même des kuffars. Jusqu'à ce qu'ils disent par la suite, وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْكِتَابِ et il dit que ce contrat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait avec les juifs, ça c'était uniquement au début, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, avant que l'islam devienne apparent et devienne fort. Et avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ordonné de prendre la jizya, c'est-à-dire la taxe de capitation, ou bien la somme d'argent qui est établie par Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, les juifs et les chrétiens qui refusent d'accepter la religion de vérité et qui désirent demeurer sur leur religion de mensonge, tout en vivant parmi les musulmans. Donc ils doivent payer cet argent-là aux musulmans, aux dirigeants des musulmans. Et donc ça c'était avant que la jizya soit ordonnée. Et il dit l'imam Qasim ibn Sallam, il dit que les musulmans étaient divisés en trois groupes. Les juifs étaient divisés en trois groupes. Il y avait la tribu de Al-Qaynuqa et Al-Nadir et Qurayza. La première, c'est-à-dire Bani Qaynuqa, c'est la première qui a trahi et brisé son alliance et son entente. Donc, Bani Qaynuqa, c'est les premiers qui ont trahi leur entente avec les musulmans. Et ils étaient les alliés de Abdullah ibn Ubay, l'hypocrite. Hein? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expulsés de Médine. Et comme le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il expliquait justement, quand il mentionnait la question de l'expulsion des juifs de Médine, le cheikh, il spécifiait, il a mentionné un point très important aussi à ce sujet-là. Il disait que il faut pas penser que les juifs qui ont été expulsés de Médine, que c'était là leur terre, hein, ou qu'ils étaient chez eux. Il dit, leur terre, ils venaient, eux d'ailleurs, ils étaient venus s'installer là-bas, d'ailleurs, c'était pas leur terre à la base. Et donc, quand ils ont été expulsés, c'était pas comme si on les a expulsés de leur terre, qui était une terre qui était à eux à l'origine. Hein? Donc ça, c'est un exemple que le cheikh a mentionné un point important pour clarifier juste ce point-là. Ensuite, il y a également la tribu de Banu Nadir et ensuite la tribu de Qurayza. Hein? Et ceux-là également, par la suite, ils ont été combattus et expulsés aussi, comme on l'a mentionné dans notre livre. Ça, c'est la fin de la citation de l'imam Al-Qasim ibn Salam ici. Ensuite, il y a une citation de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne dans son livre As-Sarim al-Masloul, le volume 2 à la page 128. Cheikh, il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم جزية، وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم، حتى قال الشافعي لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وودع اليهود كافة على غير جزية وهو كما قال الشافعي. Donc on va commencer par traduire cette partie. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans Al-Sarm al-Maslul, comme on l'a dit tantôt, le volume 2 à la page 128, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a fait une entente avec tous les juifs. Hein, une entente de paix avec tous les juifs qui étaient là-bas. Il a fait une alliance avec eux et c'était une alliance générale. Et il ne leur a pas ordonné de payer la jizya. Mais ça, c'est quelque chose qui est très célèbre chez les hommes de science et c'est quelque chose qui a même le degré de tawatir, c'est-à-dire c'est même considéré comme quelque chose qui est mutawatir entre les savants. Puisque c'est quelque chose qui a été rapporté par un très très très grand nombre de savants, donc c'est quelque chose qui est authentique et irrévocable, irréfutable, quelque chose qui est confirmé entre les hommes de science. Et l'imam Shafi'i, il a même mentionné, il dit, je ne connais personne qui a contredit, hein, personne parmi les ulama qui aurait contredit, parmi les hommes de science qui sont spécialisés dans la biographie du prophète sallam et au sujet de son histoire, qui ont mentionné que lorsque le prophète sallam est arrivé à Médine, il a fait une entente de paix avec les juifs sans leur ordonner la jizya. Donc ça, c'est mentionné dans les paroles de l'imam Ash-Shafi'i dans son livre Al-Umm, le volume 4 à la page 210. Donc ça c'est un exemple. Et parfois il y a des gens qui vont mentionner, ils vont dire oui mais ça c'est quelque chose qui était justement fait au début de l'islam lorsque les musulmans étaient faibles. Et par la suite il y a la jizya qui a été ordonnée et par la suite également donc les juifs ont été expulsés de Médine et ainsi de suite. Donc eux ils essaient de prendre ça comme étant une preuve pour dire que Donc, il n'y a plus d'entente aujourd'hui possible. Et ça, c'est la preuve de leur incompréhension des règles de l'islam, puisqu'il faut regarder les choses d'une façon comme les savants, eux, l'ont expliqué, et non pas selon notre propre compréhension ou notre propre, imagination. Dans le sens que, quand on voit qu'au début de l'islam, les musulmans étaient faibles, et donc ils ont fait ces alliances-là, eh bien, les ulama, ils se basent là-dessus pour dire, donc, dans ce cas-là, c'est permis pour les musulmans de le faire, et en particulier lorsque les musulmans sont dans une situation de faiblesse. Hein, comme, là, par exemple, lorsque quelqu'un va dire, au début de l'islam, il n'y avait pas de djihad parce que le djihad n'était pas légiféré. Hein? Et ça, c'est vrai. Au début de l'islam, il n'y avait pas de djihad parce que le djihad n'avait pas encore été légiféré. Mais pourquoi le djihad n'avait pas encore été légiféré? Ça, c'est un point qui est encore plus important de comprendre, puisque la raison, la sagesse derrière le fait de ne pas ordonner le djihad aux musulmans à cette époque-là, c'est justement parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que les musulmans ne sont pas en état de justement de combattre, et que si ils essaient de combattre alors qu'ils ne sont pas prêts, ou que ce n'est pas ils sont pas dans la ils ont pas les qu'est-ce qu'il faut, eh bien que ça va retourner contre eux, hein, et même qu'à certains moments donnés on voit dans certains versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de ne pas justement attaquer, de ne pas se défendre en utilisant la force justement contre les kuffars, mais plutôt de faire preuve de patience et d'endurance et de les pardonner. Donc ça c'est dans les situations de faiblesse. Et donc les ulama, quand ils analysent ces textes-là, ils regardent quand est-ce que les choses doivent être appliquées et de quelle façon, hein, selon les principes et les règles de la charia, avec les sagesses qui sont derrière les versets et les explications et les règles. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils analysent les choses selon des principes, selon des règles. C'est pas juste de se baser sur nos désirs, nos émotions, hein, puis commencer à dire il faut faire cela parce que Allah a dit de le faire, sans regarder derrière les conditions et tout ce qui est comme sagesse et principes qui existent derrière. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup d'entre ces gens-là, étant donné qu'ils n'ont pas étudié avec les ulama, c'est-à-dire les takfiriyin, les takfiriyin, hein, la plupart d'entre eux, étant donné qu'ils n'ont pas étudié l'islam, ils n'ont pas étudié la charia, et si certains ont lu quelques livres, eh bien, ça se limite juste à des lectures comme ça qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas étudié l'islam avec les ulama de l'islam. Et donc, tu vois que ces gens-là sont totalement ignorants des principes de la charia et des règles de la charia. Et c'est pour ça que leur compréhension est toujours limitée. Hein. Ils prennent un verset, ils prennent un hadith, et puis ils essaient de l'appliquer tel quel, sans comprendre les règles qui sont derrière, les principes qui sont derrière, les conditions qui sont derrière. Et ça, on les retrouve dans les livres de Usul al-Fiqh, dans les livres de al-Qawa'id al-Fiqhiyya et des choses comme ça. Et c'est pas seulement de lire les livres de Usul al-Fiqh par soi-même pour essayer de les comprendre, mais d'avoir un professeur qui maîtrise la question et le sujet pour être capable de nous les enseigner et pour nous expliquer comment les appliquer dans les cas réels des différentes situations. Et ça, c'est pas n'importe qui est capable de le faire. Et étant donné que ces jeunes, en général, sont des ignorants de ces questions-là, et puis certains d'entre eux, ils ne connaissent même pas les rudiments de la langue arabe, ni du fiqh, ni du hadith, ni de usul, et ils n'ont pas étudié du tout, et encore moins avec des ulama. Donc, c'est tout à fait normal que ces gens-là sortent avec des idées totalement ridicules, et qu'ils appellent les musulmans à faire des choses absurdes au nom de l'islam, et qui, par la suite, finit par donner une mauvaise image à l'islam et aux musulmans, et à déformer la réalité même des enseignements de la charia de l'islam. Voilà. Et là, on voit par la suite que les kuffars utilisent ça pour essayer de discréditer l'islam et d'essayer de salir les musulmans qui appellent à la salafia en essayant de les coller à la salafia, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la salafia, ces gens-là. Mais bon, on va continuer à clarifier le plus possible, Inch'Allah, pour essayer de faire comprendre ces choses-là. Donc, après, ensuite, le cheikh, il dit, le cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, il dit donc, et ce que l'imam al-Shafi'i a dit à ce sujet-là, c'est exactement la réalité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a décrit? Qu'est-ce qu'il décrit? C'est exactement tel que l'imam al-Shafi'i l'a dit, que, le prophète a fait des alliances avec eux, avec les Juifs, et il ne leur a pas fait payer la jizya à ce moment-là. Après, il dit, وذلك أن المدينة كان فيها فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وكان قريظة حلفاء الأوس فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هدنهم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأمصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتى إنه عهد اليهود على أن يعينوه إذا حارب ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة ثم ذكر بعد ما في صحيفة ابن إسحاق ووصفها بأنها صحيفة معروفة عند أهل العلم وقال وقد بين فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإنه له النصر ومعنى الاتباع مسالمته وترك محاربته لا الاتباع في الدين ومعنى الاتباع مسالمته وترك محاربته لا الاتباع في الدين كما بينه في أثناء الصحيفة فكل من أقام بالمدينة ومخالفيها غير محارب من يهود دخل في هذا ثم بين أن ليهود كل بطن من الأنصار ذمة من المؤمنين ثم بين أن ليهود كل بطن من الأنصار ذمة من المؤمنين ولم يكن بالمدينة أحد من اليهود إلا وله حلف وإما مع الأوس أو مع بعض بطون الخزرج انتهى كلامه. Donc, Cheikh l'Islam, il continue en disant par la suite que les Juifs de Médine étaient de trois catégories, comme on l'a dit tantôt, dans les paroles de Al-Qasim ibn Salam. Donc, il y avait Bani Qaynuqa, Bani Nadir et Bani Qurayza. Bani Qaynuqa et Bani Nadir étaient les alliés de Al-Khazraj. Et Bani Qurayza étaient les alliés de Al-Aws. Et lorsque le prophète sallam est arrivé à Médine, il leur a fait une entente de paix avec eux. Il a fait une entente de paix avec eux et il a fait des alliances avec eux. وَإِقْرَارُهُ لَهُمْ Et donc, il les a acceptés, eux ainsi que ceux qui étaient autour de Médine parmi les mushrikin, qui étaient les alliés des Ansar. Il a accepté leur alliance qui était déjà là. Et il a fait une entente avec eux. Il a fait une entente avec eux. Il a même fait une entente avec les Juifs pour les aider lorsqu'ils sont attaqués. C'est-à-dire pour venir à leur aide lorsque eux sont attaqués. Puis, Bani Qaynuqa a brisé l'entente, et ensuite, Bani Nadir a brisé l'entente, et ensuite, Qurayza a brisé l'entente. Puis, il a mentionné ensuite, des choses qui ont été mentionnées dans, l'entente qui a été rapportée par Ibn Ishaq, et il l'a décrit comme il a décrit cette entente-là comme étant quelque chose qui est très connu chez les hommes de science, Puis il a dit par la suite, à la page 132, donc il a mentionné dans cette entente-là que toute personne qui suit les musulmans parmi les juifs doit être défendue, hein, doit être défendue. Et il explique que la signification de suivre ici, ça veut dire le fait d'être en paix et de ne pas faire la guerre, hein, le fait d'être en paix et de ne pas faire la guerre aux musulmans. Donc tous les juifs qui sont en paix avec les musulmans, donc c'est on dit tabi' al-muslimin, c'est-à-dire il suit les musulmans, pas dans le sens de suivre dans le fait de suivre la religion, mais suivre dans le sens que il suit dans l'entente de paix, hein. Et donc ça a été mentionné et clarifié même dans le contrat en lui-même. Et donc toutes les personnes qui habitaient à Médine, parmi les gens qui étaient, parmi les habitants de Médine qui étaient là-bas et qui ne faisaient pas qui étaient à Médine, ils avaient tous une entente de paix. Hein? Tous ceux qui étaient à Médine qui n'étaient pas musulmans, comme les Juifs par exemple, eh bien ils rentraient dans l'entente de paix. Et donc chaque Juif avait quelqu'un qui était son allié là-bas, parmi les musulmans. Donc, soit que c'était des alliés de la part de Al-Aws, ou soit que c'était des alliés avec les Juifs étaient alliés d'eux par la tribu de Al-Khazraj. Hein? Donc ça, c'est ce qui a été expliqué dans Sarm al-Maslul par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et ça c'est la fin de cette citation là. Ensuite, le Cheikh dit wa naqala Ibn al-Qayyim nahwa kalam Cheikhihi fi tawa'if al-Yahud wa muwada'at an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lahum, thumma qala bi ahkam ahli al-Zimma, falamma qadima an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadanahum wa wada'ahum ma'a iqrarihi lahum ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على أن حلفهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتى إنه عهد اليهود على عهد اليهود أن يعينوه إذا حارب ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة انتهى كلامه. Donc il mentionne les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans son Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre Ahkam Ahl al-Zimma, qui confirme les paroles de son Cheikh Ibn Taymiyyah au sujet de l'entente que le prophète sallam avait fait avec les Juifs de Médine. Et il dit dans Ahkam Ahl al-Zimma, le volume 2 à la page 835, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé donc à Médine, il a fait une entente de paix avec les Juifs et il a fait une alliance avec eux et il les a acceptés, c'est-à-dire il les a laissés rester autour de Médine, et de même que les mushrikins qui étaient autour de Médine aussi parmi les alliés des Ansar les alliés de Al-Khazraj aussi. Donc Al-Ansar c'est Al-Aws ou Al-Khazraj, parce que quand on parle des Ansar, on parle de deux tribus qui étaient à Médine. C'était la tribu des Aws et Al-Khazraj. Et donc avant l'islam, ils étaient alliés. Ils avaient des alliances avec les Juifs. Donc quand le prophète Sansan est arrivé, il a approuvé de ces alliances-là. Il les a confirmées par une entente de paix avec eux. Et il a même mentionné parmi les clauses de cette entente que les musulmans doivent les aider lorsque ils sont attaqués et que eux ils doivent également aider les musulmans lorsque les musulmans sont attaqués. Puis les juifs ont brisé cette entente là. En premier c'était Banu Qaynuqa, ensuite An-Nadir et ensuite Banu Qurayba. Donc ça c'est la fin de la citation, mais on voit que c'est une preuve claire pour ceux qui mentionnent que le musulman a le droit de prendre en aide un kafir contre un ennemi. Le point numéro 2, ou la deuxième occasion ici, c'est l'exemple de Banu Nadir. Donc, il dit, الموطن الثاني بعثه صلى الله عليه وسلم إلى بني نضير إما قاتل إما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا فقد روى الطحاوي في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعانته بمن طلب الاستعانة به من الكفار وفي منعه من منعه من الكفار من القتال معه. قال أخبرنا ابن يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح أنه سمع الحارث ابن يزيد الحضرمي يحدث عن ثابت بن الحارث الأنصاري عن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحد فانطلق إلى اليهود الذين كانوا في النضير فوجد منهم نفرا عند منزلهم فرحبوا به فقال إنا جئناكم الخير جئناكم الخير أن أهل كتاب وأنتم أهل كتاب وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا. وهذا إسناد متصل من رجاله رجال الصحيح. خلا ثابت بن الحارث الأنصاري وهو معدود في الصحابة عند الجمهور، ومع ذلك فقد روى الحديث عن صحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو مقرر في موضعه في كتاب علوم الحديث. Donc, le cheikh, il mentionne donc l'exemple de Banu Nadir et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, soit que vous allez combattre avec nous, soit que vous combattiez avec nous, à nos côtés, ou soit que vous nous prêtiez des armes. Hein? Et donc ça, il y a dans ça la preuve que le musulman, il a le droit de prendre yani, l'aide d'un kafir dans la guerre. Et le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam al-Tahawi dans son livre « Mushkil al-Athar », hein, si je ne me trompe pas, c'est dans son livre « Mushkil al-Athar », le volume 6, de la page 415. Et c'est l'explication du hadith 2579. Donc l'imam al-Tahawi, il a réuni plusieurs athars dans ce livre-là, c'est un gros livre avec plusieurs volumes, où il y a des apparentes contradictions ou des apparentes oppositions entre différents textes, et il clarifie les choses qui sont rapportées au sujet de ces narrations-là pour éliminer les ambiguïtés. Donc, parmi les exemples qui sont mentionnés dans ce livre, il y a l'explication de ce qui est comme apparence dans le, de ce qui est comme disons complication apparente au sujet de ce qui a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il a pris comme allié ou bien il a pris comme aide certains d'entre les koufars de qui il a demandé de l'aide, et d'autres narrations qui mentionnent qu'il a empêché ou refusé de prendre l'aide de quelqu'un qui était parmi les koufars lorsque la personne a voulu l'aider dans la guerre. Donc ça, c'est, comme on a dit, une apparente contradiction, et comment le chef il explique comment yani, cette apparente contradiction là est résolue par la suite. Donc le chef ici il ne fait que mentionner cette narration là au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a demandé son aide aux juifs de Bani Nadir. Donc, il rapporte, il dit, ça a été rapporté selon Ibn Yunus, selon Ibn Wahb, il m'a rapporté, il m'a été rapporté selon Abdurrahman ibn Shuraih, qu'il a entendu Al-Harith ibn Yazid al-Hadrami, qui a mentionné, selon Thabit ibn al-Harith al-Ansari, selon certains d'entre les gens qui étaient avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que un groupe de Abi Sufyan était sorti le jour de Uhud pour combattre les musulmans, alors il s'est dirigé vers les juifs de la tribu de Nadir, eux qui faisaient partie de Bani Nadir. Et il a trouvé un groupe d'entre eux qui était devant leur maison. Alors ils l'ont accueilli. Hein, ils l'ont accueilli. Ils ont accueilli le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous vous venons en bien. Nous vous venons en bien. Et les gens du livre, hein, eux, ils ont répondu, nous sommes des gens du livre. Il a dit, vous êtes des gens du livre, et les gens du livre doivent défendre les gens du livre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes des gens du livre, et les gens du livre doivent défendre les gens du livre. Soit que vous combattiez avec nous, ou soit que vous nous prêtiez des armes. Et ça c'est une histoire qui a été rapportée avec une chaîne de transmission dont les hommes sont authentiques, excepté Thabit ibn al-Harith, et c'est quelqu'un qui est calculé parmi les Sahaba selon la majorité des savants, comme c'est rapporté dans plusieurs écrits des ulama. Puis après il dit, et également ça a été transmis de la part d'un Sahabi, et le fait qu'on ne sache pas son nom, ça ne dérange pas, puisque tous les Sahaba sont des udul. Et donc, le fait de ne pas connaître l'identité d'un sahabi ne vient pas nuire à l'authenticité du hadith, comme c'est rapporté dans le livre de science du hadith. Ensuite, il mentionne une autre parole de l'imam al-Tahawi. Il dit dans Mushkil al-Athar, volume 6 à la page 415, « Fi bab bayani mushkili ma ruwiya an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi isti'anatihi » بمن طلب الاستعانة به من الكفار وفي منعه من منعه من الكفار من القتال معه وهو يحكي قول المستشكل قال في هذا الحديث لا يخالف شيئا مما رويته في هذا الباب فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنه ليس في ذلك ما يخالف شيئا مما رويناه في هذا الباب لأن اليهود الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى قتال أبي سفيان معه ليسوا من المشركين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأثار الأول إنه لا يستعين بهم أولئك عبدة الأوثان وهؤلاء أهل الكتاب الذين ذكرنا مباينة ما هم عليه وما عبدة الأوثان عليه في الباب الذي قبل هذا الباب لأن هؤلاء أهل الكتاب الذين نجتمع نحن وهم في الإيمان بما يؤمنون به من كتب الله عز وجل التي أنزلها على من أنزلها عليه من أنبيائه ونؤمن نحن وهم بالبعث من بعد الموت وأولئك الآخرون لا يؤمنون بشيء من ذلك فنحن وهؤلاء الكتابيون في قتال عبدة الأوثان يد واحدة والغلبة لنا ولأن الأعلون عليهم وهم تباع لنا في ذلك وهذا حكمهم إلى الآن عند كثير من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه يقولون لا بأس بالاستعانة بأهل الكتاب في قتال من سواهم إذا كان حكمنا هو الغالب ويكرهون ما سوى ذلك ما سوى ذلك إذا كانت أحكامنا بخلاف ذلك ونعوذ بالله من تلك الحال. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Tahawi, il explique, il dit dans Mushkil al-Athar, volume 6, page 415, dans l'explication de ce qui est apparent comme, comme on a mentionné tout à l'heure, ce qui est apparent comme opposition ou contradiction entre ce qui a été rapporté de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris une demande l'aide des kuffars parmi les juifs contre d'autres kuffars et l'autre narration qui mentionne qu'il a refusé l'aide des kuffars lorsqu'ils ont voulu combattre avec lui. Donc il mentionne la parole de la personne qui pose la question au sujet de cette apparente contradiction-là. Il dit, dans ce hadith, il y a qu'est-ce qui contredit ce que vous avez transmis ou ce que vous avez rapporté dans le même chapitre. Alors il dit, notre réponse à ce sujet-là, avec l'aide d'Allah, c'est que il n'y a aucune contradiction dans ce que nous avons mentionné dans ce chapitre, car les juifs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris en alliance, ou bien qu'il avait fait une entente avec eux, dans ce hadith, lorsque Abu Sufyan venait pour combattre les musulmans, il ne faisait pas partie des mushrikines auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Je ne veux pas l'aide des mushrikines, je ne prends pas l'aide des mushrikines, puisque ceux-là sont des adorateurs d'idoles, tandis que les autres sont des gens du livre. Hein, » et on voit qu'il y a une différence entre eux, entre les deux. Les adorateurs d'idoles sont différents des gens du livre dans ce domaine. Il dit car ceux-là sont des gens qui ont reçu un livre et nous sommes avec eux dans la foi en ce qu'ils croient du livre des livres d'Allah que Allah a révélé à ses différents prophètes et nous croyons également eux ainsi, nous-mêmes ainsi que eux en la résurrection après la mort. Tandis que les autres, les mushrikoun, qu'on a mentionné plus tôt, ne croient pas en rien de cela. Ne croient en rien de cela. Donc, nous, ainsi que les gens du livre, dans le combat contre les idolâtres, sommes comme une seule main, et nous sommes ceux qui avons le dessus. Et nous sommes ceux qui sont les plus hauts. Et eux, ils nous suivent en cela. Les gens du livre nous suivent en cela. Et ça, c'est leur verdict. C'est le verdict à leur sujet. Ça, c'est le verdict au sujet des gens du livre jusqu'à aujourd'hui pour un grand nombre des hommes de science parmi les savants de l'islam. Parmi eux, Abu Hanifa et ses compagnons. Et ils disent, il n'y a pas de problème de prendre l'aide des gens du livre dans le combat de ceux qui sont parmi les autres, c'est-à-dire les autres kuffars. Si le jugement, si le jugement ou la décision, c'est à nous qu'il appartient, c'est-à-dire si c'est nous qui avons le dessus dans les prises de décision, les choses comme ça. Et sinon, en dehors de ça, en dehors de cette situation-là, c'est-à-dire en dehors de la situation où c'est nous qui avons la décision, il considère cela comme détestable. Hein? Si les règles sont différentes que celles-là, c'est quelque chose pour eux qui est considéré comme détestable. Et nous cherchons le refuge d'Allah contre une situation ou un état pareil. Ça, c'est la fin de la situation en question. Donc il y en a ça c'est pour dire que parmi les ulamas, il y en a qui font la distinction entre les kuffars parmi les gens du livre et les kuffars parmi les mushrikines. Hein? Et qui permettent pour casser les gens du livre, mais pas les mushrikines. Et on a vu des exemples plus tôt sentiment qu'il n'y a pas de distinction entre que ce soit des gens juifs ou des idolâtres, puisque les deux sont des coupables de toute façon. Même si les juifs sont plus proches des musulmans que les idolâtres. قال ابن عبد البر dans التمهيد. Ibn Abd al-Barr, un des grands imams parmi les imams des salaf, il a écrit un livre qui s'appelle At-Tamhid, qui est une explication du livre de l'imam Malik, Al-Muwatta. Donc il explique dans le volume 11 à la page 123, il dit « Qad rouya annahu lamma balagha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » جمع أبي سفيان للخروج إليه يوم أحد انطلق وبعث إلى بني النضير وهم يهود فقال لهم إما قاتلتم معنا وإما عرتمونا سلاحا قال أبو عمر هذا قول يحتمل أن يكون لضرورة دعته إلى ذلك. انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr ici, il mentionne donc dans son livre At-Tamhid qu'il a été rapporté que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'un groupe avait été réuni par Abu Sufyan pour sortir contre les musulmans le jour de Uhud, alors il s'est dirigé vers les juif de Banu Nadir, et il leur a dit, soit que vous combattez avec nous, ou bien que vous allez, ou que vous nous prêtiez des armes. Et Abu Omar a dit, c'est-à-dire, Ibn Abdul Bar, sa cunyasse et Abu Omar, il a dit, cette parole, il est possible qu'elle signifie que ce soit pour une nécessité qu'il l'a poussé à faire cela. Hein? C'est-à-dire que, le fait que le prophète Sansoum ait demandé ça aux juifs, c'était probablement par rapport à une nécessité qui l'a amené à le faire, hein, à leur demander ça. Donc ensuite, le chef il clarifie tout ce qu'on vient de dire maintenant. Il dit « Qultu yu'ayyidu kalam al-tahawi ma taqaddama min hadith zi mikhbar radiyallahu anhu » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستصالحون الروم صلحا أمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم ولكن الذي أرى أن أقرب ما يحمل عليه هذا الحديث ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم ذلك بمقتضى المهادنة كما جاء في نص الصحيفة عن ابن إسحاق إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول عاهد اليهود على أن يعينوه إذا حارب انتهى كلامه وأن ذلك كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام كان في مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب ولكن إذا احتاج المسلمون لذلك في عصر من العصور حل لهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه من يهود النضير أثناء الموادعة والضعة وأخبر عن وقوعه عند الحاجة إليه في آخر الزمان على ما في حديثه مخبر رضي الله عنه والله تعالى أعلم ما شاء الله. Donc l'imam, pardon, le cheikh Issam ibn Abdullah, il explique que, il dit que parmi les choses qui supportent la parole de l'imam al-Tahawi, il y a le hadith qu'on a déjà mentionné, rapporté par Ibn Mikhbar. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné que vers la fin des temps, les musulmans vont prendre une alliance avec les Ar-Roum, avec Ar-Roum, et que c'est une entente qui sera une entente de paix, et qu'ils vont faire une alliance donc pour combattre un ennemi qu'ils ont en commun, qui est derrière eux. Donc ça veut dire que ce hadith, la parole de l'imam al-Tahawi est supportée par ce hadith-là, hein, par rapport au fait de prendre l'aide des juifs et des chrétiens. Mais, il dit que, mais je crois que c'est encore mieux de prendre le hadith dans le sens du fait que, c'est-à-dire quel hadith on parle. On parle le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux juifs de Bani Nadir, soit vous nous aidez, soit vous combattez avec nous, ou soit vous nous prêtiez des armes. Hein, c'est de ce hadith-là qu'il parle. Donc il dit, je considère que ce hadith-là devrait plutôt être pris dans le sens que ça faisait partie de l'entente, des choses qui étaient impliquées par l'entente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris avec les juifs de Médine, lorsqu'il est arrivé à Médine. Comme c'est rapporté, selon Ibn Ishaq, il a dit que entre vous et nous, il y a hein, l'obligation de nous venir en aide, qu'il y ait de l'aide entre nous, lorsque les gens de cette entente ou de ce contrat qu'on vient de signer sont attaqués. Donc, par le contrat qu'ils avaient avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il était obligatoire pour eux de venir combattre avec les musulmans ou bien de les aider. Hein, ou bien de les aider contre ceux qui venaient attaquer. Et donc c'est pour ça qu'il est allé les voir pour leur rappeler leur engagement ou leur obligation qu'ils avaient dans le contrat qu'ils ont signé, du fait que Abu Sufyan voulait venir attaquer Médine. Et donc, étant donné qu'ils sont dans cette entente et qu'ils ont une entente avec les musulmans, ils doivent, eux, venir également défendre Yanni Médine avec les musulmans. À moins qu'ils refusent, donc dans ce cas-là, s'ils veulent pas venir combattre, ils peuvent au moins donner des armes pour aider les croyants à se défendre et à combattre. Donc ça, c'est l'exemple. Et c'est pour ça qu'il dit, donc, le chef dit, moi, je crois que qu'est-ce qui est plus correct, c'est de prendre ce hadith-là dans le sens de l'entente de l'alliance qu'ils avaient avec les juifs. Et il dit, comme c'était mentionné dans les paroles de Ibn Ishaq, qu'il y avait cette entente de paix, de cette alliance qu'ils devaient combattre avec les gens qui sont inclus dans le contrat. Et également, qu'est-ce qui est mentionné dans les paroles de Cheikh al-Islam dans Asar al-Muslou, le volume 2 à la page 128 qu'on a lu tout à l'heure, que ils devaient, les juifs devaient aider les musulmans lorsqu'ils sont combattus et qu'ils devaient aider dans la guerre. Donc, ça c'est l'exemple. Et ensuite, les paroles de l'imam Qasim ibn Sallam aussi, quand il a parlé du fait que cette entente de paix, elle avait été faite entre les juifs et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au début lorsqu'il est arrivé à Médine, avant que l'islam soit apparent et fort. Et donc, il avait pris cette entente-là avec eux et il ne leur avait pas ordonné de payer la jizya, hein, comme c'est ordonné dans le verset 29 dans surat al-Tawba. Ça, c'est un verset qui a été révélé plus tard, hein. C'est parmi les derniers versets qui sont révélés parce que Surat al-Tawba et Surat al-Ma'ida sont les derniers versets qui ont été révélés du Coran. Donc, le cheikh dit ensuite, mais lorsque les musulmans ont besoin de cette aide de la part des kuffars, à une époque autre que cette époque-là, c'est-à-dire après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si les musulmans, par rapport à une circonstance qui se produit, ils ont besoin de l'aide des kuffars contre un ennemi, eh bien, dans ce cas-là, ils ont eux aussi le droit de prendre cette permission-là, de prendre cette aide-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé de Banu Nadir lorsqu'ils avaient une entente avec eux et qu'ils étaient faibles. Et il a mentionné par la suite également que il y allait avoir, vers la fin des temps, des besoins de la part des musulmans qui vont les pousser à prendre les chrétiens en alliance, hein, comme alliés, dans le hadith de Zi Mikhbar qu'on a lu tout à l'heure. Donc, ça c'est la preuve que hein, c'est permis. Et Il dit, Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ensuite, la troisième occasion, c'est la dernière occasion qui est mentionnée parmi les questions qui ont rapport avec les juifs, c'est, yani, il dit le cheikh, al-mawtin al-thalif, isti'anatuhu, sallallahu alayhi wa sallam, bi yahudi bani qaynuqa, wa radkhuhu lahum. فقد روى الترمذي وأبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة من طرق عند الزهري من طرق عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم وأعل بالإرسال وروى الشافعي موصلا من طريق الحسن ابن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه ولكن قال البيهقي في السنن تفرد بهذا الحسن ابن عمارة وهو متروك ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح وقد روينا قبل هذا في كراهية الاستعانة بالمشركين والله أعلم قلت كثير من أخبار المغازي وصلتنا من طريق مراسيل علماء المغازي من التابعين كصحيفة موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود التي رواها الزهري عن ابن إسحاق دون إسناد يعتمد عليه كما مر ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم الواقدي ونحوهم من المغازي في المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق ثم أهل المدينة أعلم بها فأهل المدينة أعلموا بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد وكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار انتهى كلامه قال وقال رحمه الله الرد على البكري في كتابه الرد على البكري قال الإمام أحمد ثلاث علوم ليس لها أصول المغازي والملاحم ويعني التفسير أي نعم وفي لفظ ليس لها أسانيد ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة فإذا كان الشيء مشهورا عند أهل الفن قد تعددت طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره انتهى كلامه donc le cheikh explique il commence il commence ici en mentionnant que dans la troisième occasion, troisième circonstance, l'exemple du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide de la tribu de Bani Qaynuqa et qu'il leur a donné même une part du butin. Et il dit que c'est rapporté par At-Tirmidhi et de même que Abu Daoud dans Al-Marasil et de même que Ibn Abi Shaybah selon des narrations qui sont rapportées par Az-Zuhri. Que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a cherché l'aide de certains d'entre les juifs pour combattre, et il leur a même donné une part du butin. hein, une portion dans les butins. Et ça a été mentionné que cette narration, elle est pas la chaîne de transmission, elle n'est pas complète. Elle est morsale. Et ça a été rapporté par Al-Shafi'i mawsoulan, selon Al-Hasan ibn Imara, selon Al-Hakam, selon Muqsim, selon Ibn Abbas, mais Al-Bayhaqi a mentionné dans son livre Sunan, dans le 9 à la page 53, que Al-Hasan ibn Imara, il est matrouk, hein. Il est délaissé, on ne prend pas ses hadiths, et on nous a rapporté que, on nous a pas rapporté que ce hadith-là, on nous a pas rapporté aucun hadith authentique de ce genre. Et on a rapporté préalablement ce qui mentionne le fait qu'il est détestable de demander l'aide des mushrikines. Alors Allahu a'lam, je dis Allah c'est mieux. Le cheikh Aïssa ibn Abdullah il explique ici. Il dit, il faut savoir que la plupart des narrations qui sont rapportées au sujet des combats ou des batailles ou des djihad qui nous sont parvenues nous sont parvenues par des narrations des tabi'in, hein, des hadiths qui sont mursal. Parmi les paroles des ulama des tabi'in qui sont spécialistes dans les questions des batailles et des expéditions et des choses de ce genre. Comme par exemple le livre ou le contrat de l'entente de paix et de l'alliance du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Juifs, elle a été rapportée par Az-Zuhri selon Ibn Ishaq, mais elle est rapportée sans que ce soit rapporté par une chaîne de transmission qui est solide, comme on l'a dit plus tôt. Sauf que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il a expliqué dans Majmu' al-Fatawa, le volume 13 à la page 346, que l'imam Ahmed a dit que dans trois choses, il n'y a pas d'isnad. Il n'y a pas d'isnad solide. Dans le tafsir, dans la guerre et dans les expéditions. Les histoires qui sont rapportées à ce sujet-là. Et ça veut dire elles n'ont pas de chaîne de transmission complète qui vont jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce sont souvent des rapports qui sont attribués aux paroles des tabi'in, comme c'est rapporté selon Urwa ibn Zubayr, Al-Sha'bi, parfois Al-Zuhri, Moussa ibn Uqba, Ibn Ishaq et d'autres également comme Yahya ibn Sa'id al-Umawi, Al-Walid ibn Muslim et Al-Waqidi et d'autres également qui sont des spécialistes parmi les savants au sujet des batailles et des expéditions et des histoires qui sont rapportées à ce sujet-là. Et ce sont eux qui sont les plus savants de ces questions-là. Et parmi eux, les plus savants sont les gens de Médine. Et ensuite, les gens de la Syrie. Et ensuite, les gens de l'Irak. Et donc, les plus savants sont les gens de Médine. Pourquoi? Parce que la plupart de ces batailles-là se sont produites à Médine. Et ensuite également les gens de la Syrie parce que ce sont les gens, des gens de combat et de djihad. Et donc, ils avaient chez eux de la science au sujet du djihad et des différentes, histoires qui sont rapportées à ce sujet-là que d'autres n'avaient pas. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont, beaucoup de respect pour le livre de l'imam Ibn Ishaq. L'imam Abu Ishaq al-Fizari, qui a écrit un livre à ce sujet, et ils ont fait de l'imam al-Auza'i le plus savant, hein, ils ont mentionné qu'il était le plus savant dans ce domaine par rapport aux autres savants des autres villes. Hein, et ça, c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Taymiyyah. Ensuite, il mentionne dans son livre Ar-Raddu 'ala al-Bakri, la page 16, que l'imam Ahmad a rapporté que dans trois sciences, il n'y a pas de transmission ou de chaîne de transmission solide dans Al-Marazi ou Al-Malahim ou Al-Tafsir. C'est-à-dire les expéditions, les batailles, les guerres et le tafsir. Dans ces choses-là, il n'y a pas de chaîne solide, c'est-à-dire la plupart c'est des narrations des tabi'in. Elles n'ont pas de d'isnad jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que la signification de cela, c'est que la plupart d'entre ces narrations-là sont mursala ou bien muqati'a. C'est-à-dire, soit c'est des paroles des tabi'in ou des tabi'in. Et donc, il considère que si une parole elle est célèbre dans ce domaine, alors Si elles ont beaucoup de voix et sont apportées par de nombreuses personnes, alors dans ce cas-là, ils le prennent et ils considèrent ça comme une référence, hein, lorsque ça vient de la part des hommes de science. Contrairement aux autres domaines, ou bien aux autres, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie des savants dans ce domaine-là. Donc ils prennent de ceux qui sont les savants. Comme on a mentionné tout à l'heure par rapport à l'exemple de la parole de l'entente de paix avec les Juifs de Banu Nadir, on a mentionné que qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit, que ça fait partie de qu'est-ce qui est rapporté comme étant mutawatir. Hein? Pourquoi? Parce que ça a été rapporté par un grand nombre de savants, même si les chaînes de transmission sont ils sont pas authentiques, hein, sont pas solides, mais ça a été rapporté, ces choses-là sont connues des hommes de science, et ça a été rapporté par un très grand nombre, qui fait que c'est des choses qui font partie de ce qui est authentique dans la religion. Hein? Donc, j'ai fait ensuite, فَإِذَا عُلِمَ هَذَا فَلْنَنْظُرْ كَيْفَ سَلِمَ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ كَيْفَ سَلَّمَ بِالِاسْتِدْلَالِ كَيْفَ سَلِمَ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ بالاستدلال بهذا الأثر وإنما اختلفوا هل يسهم لهم أم يرضى. الرضخ بضم الراء مجمعتين وهو إعطاء القليل كما في عون المعبود. دونك الرضخ c'est-à-dire de donner un peu. Donc ici il dit comment. Si on sait qu'est-ce qu'on vient de mentionner maintenant, par rapport à Bani Qaynuqa, qu'est-ce qui a été rapporté à ce sujet-là, que le prophète François a pris l'aide de juifs parmi les juifs de Bani Qaynuqa, il a pris leur aide dans la guerre, et il leur a donné une part du butin. Donc le cheikh, il explique, il dit, comment maintenant, après avoir mentionné ce qu'on a mentionné, on peut voir comment les savants ont accepté cette preuve, hein, avec cette narration, mais qu'ils ont divergé seulement sur une chose, est-ce qu'on doit leur donner une part du butin ou bien on leur donne juste un peu? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur donne une part fixe, prédéterminée, c'est-à-dire un pourcentage, ou bien on leur donne juste un peu du butin? Hein? Et donc, le chef, il explique, il mentionne les paroles des savants au sujet de cette divergence-là. قال الإمام الشافعي في الأم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في من يستعين به المسلمون من أهل الذمة فيقاتل معهم العدو لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم. وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن غزا معه من يهود وأسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا به على عدوهم من أهل الكتاب والمجوس. فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ما كنت أحسب أحدا من أهل الفقه يجهل هذا ولا يشك. الحسن بن عبادة عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فردخ لهم ولهم يسهم لهم فردخ لهم ولم يسهم لهم. والحديث في هذا معروف مشهور والسنة فيه معروفة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى والقول ما قال أبو حنيفة وعذر الأوزاعي فيه ما وصفت قبل هذا. وقد رأيت أهل العلم بالمغازي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردخ لمن استعان به من المشركين، وقد روي فيه حديثا موصولا لا يحضرني ذكره. انتهى كلامه. Donc c'est les paroles de l'imam al-Shafi'i dans Al-Umm, le volume 7 à la page 342. Il dit que Abu Hanifa a dit au sujet de ceux parmi les gens du livre qui sont pris en aide par les musulmans dans la et qui combattent avec les musulmans contre l'ennemi, on ne leur donne pas une part déterminée ou fixe du butin, mais on leur donne juste un peu du butin. Et Al-Awza'i, l'imam Al-Awza'i, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a donné une part fixe du butin. Il a donné une part fixe du butin à des juifs qui ont combattu avec lui. Et les musulmans, les dirigeants des musulmans, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont également donné une part bien spécifique, hein, prédéterminée, une portion à ceux parmi les kuffars qui, à ceux parmi les gens du livre et les madous qui aidaient, hein, qu'il a pris comme aide contre les kuffars. Donc les dirigeants musulmans, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont donné une part fixe du butin aux gens du livre et aux Madous qui ont combattu pour aider les musulmans contre leurs ennemis. Et Abu Yusuf, un des grands compagnons de Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit, je ne pensais pas que quiconque d'entre les gens du fiqh pouvait ignorer une telle chose ou douter à ce sujet. Et Al-Hassan ibn Ubada, il mentionne, selon Al-Hakam, selon Muqsim, selon Ibn Abbas, donc il a rapporté le hadith, en question qu'on a lu tout à l'heure, qui disait que le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a pris l'aide des juifs de Qaynuqa, de la tribu de Qaynuqa, et il leur a donné un peu du butin, mais il ne leur a pas donné une partie prédéterminée fixe, ou bien plutôt une proportion prédéterminée. ensuite il dit والحديث في هذا معروف مشهور, donc le hadith à ce sujet là il est bien connu et célèbre, et la sunna à ce sujet là c'est quelque chose de très connu. Et l'imam al-Shafi'i rahimahullah il dit ensuite, et la parole correcte ici à ce sujet là c'est la parole de Abu Hanifa. Et on a excusé l'imam al-Awza'i de qu'est-ce qu'il a dit par rapport à qu'est-ce qu'il a dit, c'est qu'il disait qu'on devait leur donner une part. Il a dit, il a été excusé par qu'est-ce qu'on a mentionné plus tôt. Il dit, j'ai vu les gens de science, parmi les hommes de science qui sont spécialisés dans les questions qui ont rapport avec les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les batailles, qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uniquement donné un peu du butin à ceux qui ont aidé les musulmans parmi les mouchriquins. Et il dit, il y a un hadith qui a été rapporté à ce sujet-là, mais je ne m'en souviens pas, il ne me vient pas maintenant à l'esprit. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam al-Shafi'i dans son livre Al-Umm. Al-Umm, le volume 7 à la page 342. Donc on voit que les ulama, ils ont accepté la narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, du fait qu'il a pris l'aide de Bani Qaynuqa et qu'il leur a donné un peu, mais la divergence qu'ils avaient, c'est est-ce qu'on peut leur donner du butin ou bien on doit seulement leur donner une part, un petit peu du butin. Ensuite, il cite les paroles de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi dans son livre Al-Mughni, le volume 13 à la page 97. Il dit, مسألة قال ويسهم للكافر إذا غزا معنا واختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الإمام بإذنه فروي عن أحمد أنه يسهم له كالمسلم وهذا قال وبهذا قال الأوزاعي والزهري والثوري وإسحاق وقال الجزجاني هذا مذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف. الصوائف جمع صائفة في المغرب في ترتيب المعرب. الصائفة الغزوة في الصيف, وبها سميت غزوة الروم لأن سنتهم أن يغزوا صيفا ويقفل عنهم في الشتاء. ومن فسرها بالموضع أو بالجيش فقد وهم. انتهى كلامه. نعم. دونك هذا مذهب أهل الطهور وأهل العلم بالصوائف والبعوث. وعن أحمد لا يسهم له، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم لهم كالعبد، ولكن يربح له كالعبد. ولنا ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه، فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة، لأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق، وبهذا فارق العبد فان، فإن نقصه في دنياه وأحكامه. وإن غزا بغير إذن الإمام فلا سهم له، لأنه غير مأمون على الدين، فهو كالمرجف وشر منه. وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا، فيحتمل أن تكون غنيمتهم لهم لا خمس فيها، لأن هذا اكتساب مباح لم يؤخذ على وجه الجهاد، وكان لهم لا خمس فيه كالاحتشاش والاحتطاب. ويحتمل أن يؤخذ خمسه والباقي لهم، لأن غنيمة قوم من أهل دار الإسلام فأشبه غنيمة المسلمين. انتهى كلامه. donc ابن قدامة il mentionne la divergence qui existe au sujet du kafir par rapport à celui qui combat avec les musulmans. Est-ce qu'on doit lui donner une part du butin ou non? Et le fait même qu'il y ait cette divergence là, ça prouve que le fait que le kafir combatte avec les musulmans, c'est pas quelque chose d'interdit. Il mentionne dans son livre Al-Mughni, le volume 13 à la page 98, la question suivante: est-ce qu'on doit donner au kafir une part du butin lorsqu'il combat avec nous? Les narrations à ce sujet-là sont divergentes, et ils font une distinction entre le kafir qui combat avec les musulmans avec la permission du dirigeant et le kafir qui combat avec les musulmans sans la permission du dirigeant. Donc il y a ces deux cas-là. Et là. La première exemple, il dit, ça a été rapporté selon Ahmad, qu'on doit lui donner une part du butin. Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, on doit lui donner une part du butin comme aux musulmans, comme ce qu'on donne aux musulmans. Et ça a été rapporté également par Al-Awza'i et Al-Zuhri et Al-Thawri et l'imam Ishaq également. Donc tous ces imams parmi les salafs, ils ont eu cette position-là, qu'on doit donner aux kafirs qui combattent avec les musulmans une part du butin comme on donne aux musulmans. Et Al-Juzjani, il a dit que cette position, c'est la position des gens des frontières et des hommes de science qui sont spécialisés dans les questions de bataille et de combat. Et là, en ce qui concerne un autre exemple, il dit, ça a été rapporté que une autre narration qui dit que l'imam Ahmad dit, on ne leur donne pas une part du butin. Donc, il y a deux narrations, on voit qu'il y a deux narrations, yani, de la part de l'imam Ahmed. C'est pour ça, ici, au début, l'imam Ibn Qudama, il dit les narrations sont divergentes au sujet de cette question-là, chez les savants. Et il dit que l'imam Ahmed, il a dit, on ne lui donne pas une part du butin. Alors que dans l'autre narration, il dit, on leur donne comme on donne aux musulmans. L'imam Malik et Al-Shafi'i et Abu Hanifa, ils disent que il ne fait pas partie des gens du djihad. Donc, il ne peut pas avoir une part du butin comme l'esclave. Sauf que on lui donne un peu, comme on donne à l'esclave. C'est-à-dire, on va lui donner un peu du butin, mais on va pas lui donner un pourcentage ou une proportion spécifique. Donc ça c'est une autre narration à ce sujet-là. Et il dit, on a à ce sujet-là comme preuve ce qui a été rapporté par Az-Zuhri, que le messager d'Allah a pris l'aide des gens parmi les juifs et il leur a donné une part. Donc lui il dit, ça c'est notre position et pour supporter cette position-là, on a qu'est-ce qui a été rapporté comme hadith par Az-Zuhri. Et également, ça a été rapporté par Saïd dans son Sunan. Et ça a été rapporté également que Safwan ibn Umayya, lorsqu'il est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Hunayn, comme on en a parlé dans les cours précédents, il était sur le shirk, c'est-à-dire c'était un mushrik, et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné une part du butin, et il lui a donné une part pour du butin, c'est-à-dire la part de celui qui est proche de l'islam et qui veut se convertir, donc pour l'inciter à se convertir. Il dit parce que le kufr, c'est une défaillance dans la religion, mais qui n'empêche pas de pouvoir recevoir une part du butin, contrairement à la perversité au fisc, au péché. Et il dit c'est ainsi qu'on distingue entre l'esclave. Parce que l'esclave, sa défaillance, c'est dans sa dunya et dans les règles qui ont rapport avec la dunya. Puisque l'esclave, il ne peut rien posséder pour lui-même, puisqu'il est la propriété de son maître. Donc, il ne peut pas avoir du butin. Et il dit, et si le kafir, il a combattu avec les musulmans sans la permission de l'imam, alors dans ce cas-là, il n'a pas de part au butin. Sauf, il dit la raison pourquoi il a dit il n'a pas de part du butin, parce qu'il n'est pas fiable. Hein? On ne peut pas lui faire confiance dans la religion. Et il est comme le mourdif. C'est-à-dire, il est comme la personne qui risque de semer la crainte chez les croyants, chez les combattants. Et même, il est pire que ça encore. Il a dit... C'est comme des hypocrites, en fait, parmi les musulmans. Et il a dit que si un groupe d'entre eux combat, un groupe d'entre les croyants combat tout seul, à leur compte, et qu'ils prennent des choses durant leur combat, ils prennent des choses comme butin, donc le chef il dit qu'il est probable que ce soit considéré comme étant leur butin. Et qu'il n'y a pas, on n'a pas à prendre le cinquième de ce qui a dans ce butin-là. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont pris pour eux-mêmes et qui est permis pour eux, et que ça n'a pas été pris comme faisant partie du djihad. Puisque ce sont pas des musulmans. Donc ils n'ont pas à donner un cinquième de ça, hein. Tandis que le chef il dit, tandis que également certains peuvent, comme si on peut également considérer que ce qu'ils ont pris, on doit également prendre le cinquième de ça aussi. Le dirigeant musulman doit prendre le cinquième aussi et leur donner le reste, parce que le butin des gens, le butin d'un groupe qui font partie des gens de l'islam, eh bien, c'est quelque chose qui ressemble au butin des musulmans. Donc, en voulant dire que eux, ils ont fait le djihad, ils ont combattu avec les musulmans, même s'ils n'avaient pas la permission du dirigeant, mais du moment qu'ils ont pris quelque chose durant cette bataille-là, eh bien, ça faisait partie de qu'est-ce qui appartient au butin des musulmans, et donc le dirigeant doit prendre le cinquième de cette somme-là et de le redistribuer et de leur laisser le reste. Hein. Bon, ça c'est des divergences dans les questions de fiqh entre les ulama sur la question du butin par rapport au kafir. Mais c'est pour montrer en même temps que la question d'un kafir qui combat avec les musulmans, que en soi c'est pas quelque chose que les savants ont interdit, hein, que c'est quelque chose qui était considéré comme faisant partie des divergences de fiqh entre les ulama. Hein, il n'y en a pas un qui a dit parmi eux, celui qui combat ou qui prend l'aide d'un kafir pour combattre contre un ennemi, que ça veut dire qu'il le prend pour allié et qu'il a contribué à l'Ouala ou à l'Bara ou des choses de ce genre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite de ce livre, le prochain cours, le point numéro 8, la preuve numéro 8, c'est l'exemple que le chef a mentionné du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, et que parmi ceux qui combattent, parfois il y avait même des munafiqins. Donc il a pris l'aide des munafiqins contre les kuffars, et les munafiqins sont des kuffars. Hein? Donc c'est la preuve que ce n'est pas interdit de prendre l'aide des kuffars contre des kuffars. Donc c'est ça, on va faire ça, ce sera au prochain cours, Inch'Allah. Donc on s'arrête pour l'instant ici, et donc on se retrouvera demain, pour le cours de Al-Fatwa Al-Hamawiyya, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدنى إن شاء الله.